You can do it in the mix. Bon, de se laisser aller sous le soleil en été. Très pas, petit pas, petit à petit je passe. Mon message a la vertu de rompre la glace. Je surfe sur la vague et dans le vent qui vient, baby, caresser mon visage tout au bord de la plage sur un air de mode son disco, disco. Écoutez, écoutez sa balance sur le bon tempo. Mes mots, l'arithmétique match en de ces vers en musique. Come on, baby. Ah, suivez les pas que j'ai, c'est sur cette musique à l'émotion. It's in time, chabada, chabada, huh. Chabada, chabada, get down. Chabada, chabada, huh. Chabada, chabada, chabada. La vie est belle comme des papillons qui volent et puis s'entremêlent à la belle saison. Je plane, je flamme, je détonne, des basses bastonnent. Inutile de résister, le jam est dans le code. Boum, boum, sois positif et bouge. Boum, boum, sois positif et bouge. Swing sur le rythme où la folie t'entraîne. Et sur un air de mode disco, disco. Sans effort, je vous invite aux métaphores. D'azur, vos yeux dans les yeux s'évaporent. Hey fella, tell me what up y'all. Check baby, check baby, baby check. It's in time, it's over. Music in song. Chabada, chabada, huh. Chabada, chabada, get down. Dance in time, it's over. Music in song. Chabada, chabada, huh. Chabada, chabada, chabada. The groove that makes you wanna move. But don't go away, stay right here with me. Crazy Mike, with the vibe and sounds of summer. Feel the heat of the beat, the music of the sun. But keep it cool, baby, keep it cool. Je surfe sur les ondes, scandaleusement. Je vais consacrer tout mon temps au plaisir du moment et faciliter l'insolation en communiquant. Dancing, dancing is the message. Sois positif et bouge. Boum, boum, sois positif et bouge. Suivez les pas que j'essaie sur cette musique à l'effraction. Chabada, chabada, huh. Chabada, chabada, get down. Chabada, chabada, huh.